Il se leva et cria d'une voix terrible. « Maudite engeance d'enfer, je comprends ton aversion pour la nourriture des hommes. C'est du sein des tombeaux, femme exécrable, que tu tires les repas qui font tes délices. » Mais à peine le comte eut-il prononcé énergiquement ces paroles, qu'Aurélia, poussant un hurlement effroyable, se précipita sur lui et avec la rage d'une hyène, le mordit dans la poitrine. Le comte terrassa la furieuse qui expira sur le champ au milieu d'horribles convulsions. Et lui tomba dans le délire. C'était la quatrième partie et la conclusion de La femme vampire. Votre lecteur, Stanley. Pour tous les liens pertinents à cette émission et pour entendre ou réentendre toutes nos émissions, je vous invite à visiter le blog de la web radio à www.audiolibris.net. Ainsi se termine la deuxième saison d'Espace-temps. Je veux remercier tous nos invités ainsi que tous ceux responsables des productions que nous vous avons présentées cette saison. Les réalisateurs, les lecteurs-acteurs, Audiocité et les éditions de l'avenir. Enfin, merci à Cathy, la responsable d'Audio Libris, qui m'a permis de me retrouver parmi vous semaine après semaine. Aussi, merci de votre attention. Au plaisir de vous reparler. À bientôt.